mêle le comte de Guiche, apprenant que Roxane a décidé de précipiter son mariage avec Christian, se rend compte qu'il a été abusé par Roxane. Pour se venger, il envoie aussitôt Christian et Cyrano au siège d'Arras. Quatrième acte, les cadets de Gascogne au siège d'Arras. Bloqués par les Espagnols, les Gascons sont affamés et commencent à se décourager. Cyrano, lui, franchit régulièrement, au péril de sa vie, les lignes ennemies pour faire parvenir à Roxane des lettres qu'il écrit et qu'il signe du nom de Christian. Touchée par ces lettres, Roxane, avec la complicité de Raguenau, le rôtisseur pâtissier, parvient à se rendre au siège d'Arras avec un carrosse rempli de victuailles et elle retrouve Christian.